lapin qui courait dans ma tête. Il aimait pas ce refrain, voulait changer de planète. Il cherchait des carottes et des lapines à niquer. Il arrêtait pas de courir, en gros on faisait chier, il m'a dit hey, j'en ai marre de toi et de ton cerveau. Y'a même plus de place pour moi, t'es rien qu'un petit salaud. Putain j'ai faim et je me sens trop seul. Trouve-moi une meuf qu'on se rende un peu la gueule. Et ramène aussi de l'alcool et des trucs à fumer. Comme ça on sera sûr de passer une bonne soirée. J'ai répondu non mais ça va pas la tête. Tu peux continuer ta branlette. Je vais pas te ramener une lapine. En plus tu veux de la bibine. Je te rappelle qu'en France l'alcool est peut-être autorisé. Mais avant de te saouler la gueule, je veux voir tes papiers. Et si tu veux fumer, c'est pas dans ce pays qu'il faut aller. Non maintenant ici non, c'est pas légalisé. Sûrement dans mon crâne t'en trouveras un peu de ce THC qui te rend si heureux. Mais faut pas te faire d'illusions, ça va pas durer. Dès que je peux mon petit gars, je t'envoie valser. Pas des tripes aussi débiles, et qui durent pas longtemps, ouais.